On a du mal. On se fait harceler par un méta, je sais pas quoi. Il va pas tarder à revenir, je pense. Mais je crois savoir qui c'est, quoi. Parce que je crois, si je me trompe pas, c'est un mec qui a dû faire de la musique et j'ai dû me prendre la tête un jour avec lui. C'est un Russe? Non. Ok. Matochard. Ouais. Comme vous voulez, on fait tourner une boucle et puis on fait de la musique, hein, on s'en fout. Tu mets de la batterie, Phil? Tu mets la batterie, toi? Vais pisser. Il est batteur? Non, maintenant il est disque jockey. DJ. DJ remixeur. Bon, allez, j'essaye, mais... Son cool alors. Me, present for me, can Cyril s'est barré. Balance un petit riff. Ouais, c'est ça, ouais. Bientôt, Batochard, merci. J'ai passé les MP3 fil. Ben, j'ai qu'à te donner l'adresse. Tu vas sur. Attends. Ben, tu vas sur SoundCloud et tu tapes Benjamin. Ben, tu tapes ça là. Bon, je vais te filer l'adresse. We'll be right back. serveur c'est payant, alors quand c'est blindé, bien, j'en prends un autre. Et l'autre c'est... You'll always need me. You'll always need more. От Дэвида Пэна. Очень плодовитый молодой человек. И его саунд мне очень нравится. Третий по счету сингл Дэвид Гэна. Все-таки вышел официально. Он не мог просто не выйти. Габриэль Андрезен микс. I'm asking my friend. Voilà. Can you give something for me? Time it just passed, but we had some laughs. Maybe it's just a bad break. You'll always sleep with. You'll always sleep with. You'll always sleep with. You'll always sleep with. I ask you again, but I don't think you've changed. You never